Scène 12, Pacarel, Marthe. Ah, s'il pouvait donc seulement retrouver pour 24 heures sa voix, si on pouvait, avec du gingembre, comme pour les chevaux. Après, parbleu, ça me serait bien égal qu'il n'ait plus de voix, une fois que je l'aurais casé. Pendant ce temps, Marthe, assise à part, réfléchit à son problème. Il serait peut-être temps de parler à mon mari pour le signal. Faut-il dire oui, décidément? Ah, ma foi, tant pis. Oui, mais comment faire? Ah, quelle idée! Brusquement, Marthe se lève et s'adresse à son mari. Dis donc, alors tu voudrais bien que Dufossé retrouve sa voix? Eh bien, j'ai peut-être un moyen. Je ne garantis rien. Tu sais, je te le donne pour ce qu'il est. Non, je n'ose pas. Tu vas rire. Non, non, va donc. C'est un peu de l'empirisme. D'ailleurs, c'est une tireuse de cartes qui me l'a enseigné. Il paraît que c'est infaillible. Quand un chanteur perd sa voix, il y a un moyen bien simple de la lui rendre. Eh bien ? Eh bien, voilà. Quand Dufossé entrera, tu agiteras ton mouchoir comme ça, en disant trois fois « Coucou, ah, le voilà !» C'est tout. Pacarel tire son mouchoir et l'agite. « C'est ça. Il est stupide, ton moyen. »« Ça ne coûte rien de l'essayer. »« C'est un remède de bonne femme. Enfin, j'essayerai. Ça ne lui fera toujours pas de mal. » Marthe, à part, remonte et redescend au deuxième plan. « Ah, et l'heure à présent? 2 heures, c'est une bonne heure. » Ah ! Quoi ? Tourne-toi ! Mais pourquoi ça ? Marthe trace 2 raies à la craie dans le dos de Pacarel. 1, 2, voilà, 2 heures. Ah, tu me chatouilles ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ah non, rien, j'avais cru voir une bête sur toi. Eh bien ? Eh bien non, j'avais vu double. Et à part, elle ajoute... Et maintenant Dufossé saura à quoi s'en tenir. Marthe sort.